Évidemment, les gens qui sont au courant des nouvelles avec la rébellion et tout ce qui se passe dans le monde sentent qu'il est possible d'y avoir une sorte de guerre ou une situation de haute tension internationale. Demain, dans la deuxième partie, j'aimerais qu'on puisse éclairer qu'est-ce qui peut vraiment déclencher dans le monde une situation qui pourrait être de façon irréversible, une situation, disons, quasi catastrophique, ou d'apocalypse. Est-ce que c'est vraiment géré par des forces occultes ou c'est vraiment entre les mains d'individus qu'on pourrait qualifier de fanatiques ou d'influence politique? Est-ce que la gestion de la dynamique mondiale est une gestion strictement occulte ou si c'est strictement question d'intérêts financiers ou de mécanique politique au niveau international? On va essayer de courir la musique, là. La vie de l'homme en tant qu'individu, quand l'homme arrive à un certain niveau de conscience, il la réalise comme étant le résultat de forces qui agissent à travers son psyché, pour le bien ou le mal. Donc, si l'homme est influencé par les forces astrales, en tant qu'individu, c'est évident que sur le plan collectif, c'est la même chose. Mm-hmm. Donc, l'évolution historique d'une nation ou d'une planète, ce n'est pas sous le contrôle de l'homme. Puis on n'a pas besoin d'aller loin pour s'en rendre compte. On a simplement à regarder, par exemple, des types comme des voyants comme Nostradamus qui ont vu des événements depuis des siècles se conformer à ses prédictions pour voir que effectivement la vie, ça se joue à plusieurs niveaux. Mais ça se joue toujours en fonction de la conscience de l'homme. Mm-hmm. Si l'homme était conscient, la vie et la civilisation seraient différentes. L'homme étant inconscient, la civilisation et la vie se manifestent en fonction de son inconscience. Est-ce que le fait que Nostradamus ait vu d'avance, est-ce que ça devient inévitable dans les plans où le fait de la conscience dont vous parlez peut changer une situation? Est-ce que l'apocalypse prédit par Nostradamus peut être évité, soit au niveau mondial ou de façon, disons, individuelle ou selon un petit groupe? Parce que vous parlez de l'interférence possible d'une conscience dans le processus qui a été vue d'avance sur les plans. Ça dépend de Nostradamus lui-même, ça dépend ce qu'il a vu, ce qui lui a été permis d'être vu. Autrement dit, dans une programmation prophétique telle que la sienne, Nostradamus aurait pu avoir été donné de voir à 90% les possibilités. 80% les possibilités. Ou 100% les possibilités. Et le choix du 90, du 80 ou du 100% des possibilités, ça fait partie de la volonté des plans. OK. Probablement, si Nostradamus voyait ou avait vu à 100% des plans, à 100% des possibilités, à ce moment-là, ça aurait forcé l'humanité à réaliser que, effectivement, l'avenir est connu, marqué, écrit, qu'on n'y peut rien. Puis sur le plan psychologique de l'homme, ce serait pas bon. OK. Donc, mais si on regarde la vie, si on regarde l'évolution historique d'une civilisation sur une planète, on est obligé pour la comprendre de voir l'interface qui se joue entre le plan matériel et les plans occultes. Si l'homme avait contact avec l'occulte des plans, autrement dit, si l'homme avait contact avec le plan mental, ou si l'homme avait contact avec le plan astral, il verrait effectivement que les mondes sont interreliés. Le monde matériel avec le monde immatériel. C'est simplement son ego qui bloque cette vision-là. Mais la conscience qu'un individu or, aujourd'hui, est-ce qu'il est marqué, elle aussi, d'avance dans sa programmation à la naissance, ou c'est vraiment quelque chose qui est entre les mains de l'individu pour éviter une situation qui peut, d'une façon collective, apparaître? En d'autres termes, est-ce qu'une personne ou un groupe de personnes, par le développement de sa conscience, peut transformer quelque chose, ou c'est absolument certain qu'il va se produire des événements apocalyptiques dans les temps. Une personne ou un groupe de personnes peuvent transformer les choses seulement. La transformation fait déjà partie de la programmation. Ok, donc tout est marqué. Un individu qui doit arriver à un certain niveau de conscience dans une vie ou un groupe qui doit arriver à un certain niveau de conscience dans une vie est déjà programmé à ça. Si on regarde l'activité du plan mental, par exemple, si on regarde simplement le phénomène de la pensée, du point de vue occulte, la pensée humaine, c'est le résultat d'un rayonnement. L'homme ne voit pas ça. Okay. Parce que l'homme est au bout de ce rayonnement-là. Donc, l'homme est le récipiendaire de cette énergie-là. Mais l'énergie de la pensée, l'ajustement de la pensée, la création de la pensée, le faisceau qui la soutient, ce faisceau-là ne fait pas partie de la conscience humaine. Il fait partie de la conscience mentale, architecturale. Et ce faisceau-là ne fait pas partie de l'ordre de notre monde matériel. C'est quand ce faisceau-là entre dans le psyché humain, dans la structure de l'homme, qu'il devient actif. Donc l'homme est le récipiendaire, et selon son état psychique, selon son état émotionnel, mental, selon son évolution d'âme, il réagit à ce faisceau-là personnellement. Si l'être est très évolué, il va réagir d'une certaine façon. S'il est moins évolué, il va réagir d'une autre façon. Mais à partir des plans où la pensée prend son origine, la nature de l'ego est totalement connue. Autrement dit, l'énergie en tant que telle, il y a des êtres dans l'univers qui en sont les scientifiques. Qui la manipule? Qui la manipule, qui l'utilise, qui la réorganise, qui l'oriente, ainsi de suite. Et ces êtres-là qui font partie des plans mentaux sont très, très... C'est leur monde. C'est leur réalité. Ça fait partie de leur science. Et nous, on est à l'échelle... On est au point terminal de ce mouvement-là. Le problème avec avec notre perception de la vie est dû au fait que la pensée n'est pas suffisamment haute en vibration pour être libérée des conceptions astrales de l'ego. Mm-hmm. C'est pour ça que l'homme, si l'homme était donné de vivre une pensée créative intégrale, autrement dit, qui n'était pas souillée par la mémoire de l'âme, qui ne serait pas conditionnée par l'astral du mental humain, l'homme n'aurait pas la même conscience. Et s'il n'était pas préparé, il ne pourrait pas subir le choc. Mm-hmm. Donc, comme j'ai toujours dit, la pensée, c'est une énergie. Mais on ne vit pas, nous, les hommes, la pensée comme une énergie. On vit la pensée comme étant un concept, une idée, mm-hmm. réfléchie, manipulée par l'ego, consentie par l'ego, refusée par l'ego, en fonction de son état émotif et de son état mental. Mais la pensée en soi, c'est une énergie. Et il y a des êtres, il y a des intelligences, il y a des plans dont le travail, la fonction est de déplacer cette énergie-là dans l'univers. Est-ce que ces êtres-là, ces scientifiques-là, peuvent faire des erreurs? Parce que souvent, on a des drôles de pensées. Oui, on a des drôles de pensées, non pas à cause de ces êtres-là. On n'a pas des drôles de pensées à cause des ajusteurs de pensées, mais on a des drôles de pensées parce que on doit être rendu conscient de nos pensées. On doit être testé dans l'émotivité de notre mental. On doit être testé dans la subjectivité de notre conscience. L'homme ne pourra pas travailler avec ces êtres-là d'une façon intégrale tant qu'il n'aura pas dépassé totalement sa conscience subjective. Sinon, l'homme astraliserait cette énergie-là et on retomberait encore aux âges de la magie noire. Mm-hmm. L'homme n'a pas la maturité suffisamment développée pour pouvoir travailler avec des forces qui sont les siennes, mais qui sont parfaites. Donc l'homme automatiquement colorerait ses actions, colorerait l'intention de cette énergie-là, et on retomberait dans la situation des Atlantes à la fin de la période. Mm-hmm. On tomberait dans la joie parce que à cause du fait qu'on vit dans un corps matériel, qu'on a des sens qui nous limitent, qu'on n'a pas de vision multidimensionnelle, on a on a une grande soif du pouvoir. Si l'homme était sorti de temps en temps de son corps, le rêve, c'est pas suffisant. C'est passé, le rêve. Parce que le rêve, dans le rêve, l'homme vit beaucoup de mémoriel. Mais si l'homme était sorti en éthérique de son corps, puis l'homme pouvait visiter le cosmos, pourrait voyager dans la direction des gardiens du seuil, si l'homme pouvait voir et rencontrer les gardiens du seuil, si l'homme pouvait entrer dans les cités libres, autrement dit, c'est les structures réellement universelles où se joue tout le phénomène cosmique de l'énergie. Si l'homme pouvait rencontrer des êtres qui ont des postes de grande importance dans la domination des espaces telluriques, ainsi de suite, l'homme aurait une vision plus près, plus réelle de son ego. Mm-hmm. Mais ça doit être le résultat de son évolution. Ça ne peut pas être la conséquence d'un don spirituel. Mm-hmm. Autrement dit, un homme a accès à ça quand, effectivement, il a déastralisé sa conscience. Un homme a accès à visiter les cités libres quand il est libre. Mm-hmm. Mais quand il revient des cités libres ou quand il revient de ces mondes-là, sa vie sur la Terre ne peut plus être la même. Il ne peut plus vivre sa vie sur la Terre par rapport à une conscience astrale. Il ne peut plus vivre les plaisirs de l'âme, par exemple, qui sont quoi? Manger, le sexe, le pouvoir de l'argent. Mais lorsque l'homme ne peut pas vivre les plaisirs de l'âme et qu'il n'a pas une substitution, qu'il lui est pas donné de vivre, par exemple, la proximité avec la puissance de l'esprit, sa vie deviendrait une expérience terrible, extrêmement déprimante, ainsi de suite. Parce que l'âme joue un grand rôle dans la conscience humaine, dans ce sens qu'elle permet à l'homme de se greffer à la terre. L'âme aime beaucoup la matière, l'âme aime beaucoup ce qui est sensoriel, l'âme aime beaucoup ce qui est plaisir, alors que l'esprit est totalement en dehors de ceci. Et si l'homme était donné d'avoir accès à son véhicule éthérique, puis se déplacer dans ces éthers-là, il ne pourrait plus revenir à la joie de vivre sur le plan matériel au niveau de l'âme comme auparavant. Il serait obligé de revenir sur le plan matériel en fonction de sa conscience cosmique. Et là, à ce moment-là, il aurait un rôle à jouer universellement par rapport à un certain nombre d'individus selon son statut universel. Et il ne peut pas avoir accès à ça sans avoir d'abord épuré sa conscience astrale. C'est pour ça que l'initiation solaire doit précéder la reconstruction du psyché humain. L'initiation solaire doit être à la base même du retour de l'homme à sa source. L'initiation solaire doit être terminée pour que l'homme ait accès à son corps éthérique. L'initiation solaire doit être terminée pour que l'homme ait accès à la rencontre ou à l'engagement et au dépassement des gardiens de seuil et à l'entrée dans la cité libre. Et tant que l'homme n'a pas atteint et ne peut pas rentrer dans la cité libre, il ne peut pas connaître son poste hiérarchique dans l'univers, donc il ne peut pas avoir une conscience intégrale de son moi. S'il n'y a pas de conscience intégrale de son moi, quelle sorte de conscience qu'il a? Il a une conscience astrale de son moi. Sa conscience astrale de son moi, c'est tout ce que l'âme véhicule en tant qu'énergie mémorielle faisant partie de son ancienneté dans le cosmos, sur une planète ou sur une autre. Donc, il n'y a pas d'identité. C'est pour ça que c'est si difficile pour l'être humain de se connaître. Autant c'est facile pour l'être humain de se connaître, autant c'est difficile de se connaître. Et c'est facile s'il est dans son esprit, dans sa lumière, s'il est en contact télépathique avec son double. Et c'est difficile s'il ne vit qu'en fonction des pulsions rythmiques de l'âme à travers l'ego, qui peuvent être extrêmement astralisées, parce que l'âme joue un rôle cavalier dans l'expérience humaine. Et un jour, l'homme reconnaîtra ça. Un jour, l'homme reconnaîtra que l'âme, en tant que mémoire, n'est qu'une façon, à sa lumière, de le protéger de l'ignorance. Si l'homme n'était pas protégé de son ignorance, à cause de l'âme et à cause de ce qu'elle actualise dans sa conscience sensorialisée, l'homme deviendrait fou il ne pourrait pas vivre sur une planète aussi limitée en conscience que la nôtre. Mm-hmm. Il y a des planètes dans l'univers, par exemple, il y a des mondes où un homme normal, un être normal, ne pourrait pas aller parce qu'il en polluerait l'atmosphère éthérique simplement au niveau de ses pensées. Mm-hmm. Donc, les mondes sont très différents, sont très occultes, mais simplement parce qu'on n'a pas accès à notre corps éthérique. Donc, on vit réellement un état de déchéance. Quand les chrétiens ou les gens qui lisent la Bible disent, par exemple, que l'homme vient au monde avec le péché originel, ils comprennent pas ce qu'ils disent. Mais dans ce qu'ils disent, il y a une facette réelle. C'est que quand l'homme vient au monde sur la terre, il est coupé de sa source. Donc, il est déjà victime du péché originel, c'est-à-dire de la coupure entre lui-même et le plan mental. Et il est déjà victime de sa conscience d'âme. Il est déjà victime d'un karma astral. Il n'a pas d'identité. Et au cours de son expérience de vie, selon son éducation, ses parents, sa programmation, il évolue pour en arriver au cours des âges à sortir de ceci. Mais ça, ça crée la grande souffrance de l'humanité pendant des siècles et l'histoire qu'on connaît. Donc, l'homme, les religions, les philosophies, les sciences ésotériques, l'occultisme, n'a pas encore déchiffré la nature de l'âme. Les gens veulent retrouver leur source. C'est l'objectif fondamental de venir au monde. Non. Non? L'objectif fondamental de venir au monde, ce n'est pas de retrouver la source. C'est de vivre une expérience d'âme qui permet éventuellement à la source de se créer des corps subtils plus avancés, plus développés, pour qu'un jour l'homme ait accès à la vibration syntonique qui puisse le connecter par télépathie au circuit universel. La seule raison pour laquelle l'homme vient sur la Terre, c'est pour que l'homme évolue. En évoluant, l'homme prend de l'expérience. Les doubles ou les ajusteurs de pensée utilisent cette expérience-là pour se construire des véhicules, pour construire des véhicules subtils que dans une autre incarnation, l'homme possédera. Puis avec le temps, l'évolution se faisant, les corps subtils se développant, le contact télépathique avec les circuits universels pourra se faire, et à ce moment-là, l'homme pourra être libéré du monde de la mort, du processus réincarnationnel, et entrer dans la conscience éthérique. Mais les hommes pensent que la venue, quand je parle des hommes, je parle pas des moines, je parle même des occultistes et de ceux qui s'occupent des sciences hermétiques, pensent que la venue de l'homme sur la Terre, c'est pour vivre une expérience d'âme qui l'amène ultimement à évoluer. Ça, c'est vrai seulement sur le plan de la mémoire, mais ce n'est pas réel sur le plan organisationnel du mental. La seule raison que les âmes viennent sur la Terre, c'est pour avoir de l'expérience qui est utilisée, de l'information autrement dit, qui est utilisée par les deux pour construire des corps subtils. Et là, présentement, on entre dans une période difficile qui est très nécessaire à ce niveau-là, parce que plus l'expérience de l'âme est difficile, plus les doubles, autrement dit, plus les êtres de lumière vont pouvoir se construire ou construire des corps subtils de l'ordre du mental capables de supporter la télépathie universelle. Et ça, c'est un travail qui est de leur ressort. L'homme ne peut pas vouloir être en communication avec eux. Mm-hmm. L'homme peut chercher la communication avec le plan astral, mais elle est déjà incluse dans le package anyway. Mm-hmm. Il n'y a aucune habileté là-dedans. Il n'y a aucune habileté là-dedans, parce que le contact avec l'astral, il s'agit simplement de montrer à l'homme un peu la game du mental, montrer à l'homme la différence entre l'actualisation du « je » et du « tu » dans la psychologie de l'ego, pour qu'il puisse vivre la communication. Mais le contact entre le plan mental et l'homme se fera d'en haut, il ne peut pas se faire d'en bas. Un ego ne peut pas dire « bon, mais là, je vais communiquer avec mon double ». Tu peux parler avec ton double, mais tu n'auras pas de réponse. Mm-hmm. Par contre, l'homme peut dire « ben là, je vais communiquer avec le plan astral », puis il peut en avoir une réponse. Mm-hmm. Donc, un homme qui vit une communication avec le double, il a dit cette communication-là parce que ça fait partie de son temps. Son temps est arrivé pour ça. Puis il n'y a pas simplement le désir de communiquer avec le double, il y a des conséquences de ça. Parce qu'une fois que tu communiques avec le double, il y a des conséquences dans ta vie. D'abord, tu penses plus pareil. Tu peux plus penser pareil. Tu peux plus penser ce que tu veux. Tu peux penser simplement ce que tu dois. Puis ça cause des grandes restrictions dans la vie. Nous autres, les hommes, on pense ce qu'on veut. Si l'homme est en contact ou quand l'homme est en contact avec le double hiérarchique, il ne peut pas penser ce qu'il veut. Il pense ce qu'il doit. Et ça, c'est très difficile pour l'homme de concevoir ça. Et ça devient pour lui une ingérence dans sa vie mentale, psychologique. Ça devient une ingérence dans son libre arbitre. Et c'est ça qui fait partie de la grande souffrance de l'initiation solaire. Mais c'est pas une sécurité? Ça devient éventuellement un très grand atout de sécurité. Mais au début, ça devient un grand fracas. Au début, ça devrait un grand choc. D'ailleurs, au début, c'est ça qui crée le choc. D'ailleurs, c'est ça qui crée le début de la transmutation du corps mental. Fait qu'avant ça, l'homme a fortement l'impression d'une pensée qui lui est personnelle. Et ensuite, l'homme a fortement l'impression d'une pensée qui peut être astralisée. Puis ensuite, l'homme peut avoir l'impression absolue d'une pensée qui n'est plus la sienne. Un ego qui s'éveille à une pensée qui n'est plus la sienne, ça crée un choc. Ouais. Le début de l'initiation solaire commence, ça ne peut plus être arrêté, et avec le temps, les circuits universels s'ouvrent, la télépathie s'installe, et l'homme, à ce moment-là, vit une conscience mentale qui est différente, qui le prépare éventuellement à l'utilisation de sa conscience, autrement dit, à la sortie en éthérique de son corps matériel, au lieu de la sortie en astral de son corps matériel. Parce que pour qu'un homme sorte en éthérique de son corps matériel, il faut qu'il puisse savoir où est-ce qu'il s'en va. Mm. Tu sais, l'éther, c'est vaste, c'est océanique, l'éther, puis... faut que le corps éthérique soit parfaitement développé, pour que l'homme sache où il s'en va. C'est comme si tu prends un rocket, tu t'en vas dans l'espace, puis il faut que tu saches où est-ce que tu t'en vas dans l'espace. Faut que tu en arrives à les grandes limites de ton intemporel. Faut que tu en arrives à rencontrer les gardiens du seuil. Faut que tu en arrives à les dépasser. Faut que tu en arrives à te placer là où tu es hiérarchiquement positionné par ta propre énergie, ainsi de suite. Alors, c'est une autre expérience que d'aller dans l'astral. Mm-hmm. Et ça demande une connexion étroite avec la source. Parce qu'à ce moment-là, la source devient toi-même. Elle est indiscutable à ce moment-là. Elle devient toi-même, la source. Fait que tu deviens ta source devient toi. C'est ça la fusion. Fait qu'il y a une préparation pour ça. Bon, la question qui me vient, est-ce qu'une initiation solaire, c'est individuellement une apocalypse? Hmm. C'est intéressant ça. J'ai jamais pensé à ça. Ça n'est tout. Oui? Ouais. Est-ce que l'apocalypse prévue... L'initiation solaire, c'est une apocalypse personnelle. C'est un effondrement du moi psychologique de l'ego. C'est un retour à une source qui est sa propre loi et avec laquelle tu dois en arriver éventuellement à t'équilibrer. Fait que c'est définitivement un apocalypse personnel. C'est intéressant ça. Ouais. Bon, l'autre question qui vient avec, est-ce que l'apocalypse prévue par les prophètes, c'est la sommation de toutes les apocalypses personnelles des gens qui sont en voie d'intégration dans une fin de cycle? C'est intéressant ça aussi. Bon, ça, j'aimerais vous développer, là, parce que je pose la question. Ah, ok, je vais le développer. C'est intéressant. Bon, de mon point de vue, là, un apocalypse, c'est quoi? De mon point de vue, un apocalypse, c'est la réintégration dans un temps des forces du mal pour l'explosion dans le même temps des forces du bien afin de permettre aux âmes de se restructurer dans le monde de la mort une fois qu'ils ont vécu la velléité de leur inconscience. Oh. J'espère qu'on a plus qu'une heure. OK. Bon. Grosse soirée, là. Si, là, je le regarde avec de mon point de vue encore un petit peu plus loin. L'apocalypse, c'est la résurrection dans le monde astral des fantômes de la vie sur le plan matériel pour permettre aux âmes de s'habituer à la mort puis cesser de s'intéresser à la vie. Quand je parle, là, quand je dis que l'intérêt des âmes pour la mort, puis, qu'est-ce que j'ai dit, là? Bon, là, Claude de rewinder, là. Bon, quand je dis que les âmes doivent cesser de s'intéresser à la vie, je veux dire que les âmes doivent cesser de s'intéresser à faire souffrir l'homme pour la domination qu'ils ont sur lui à cause du fait qu'ils ne sont pas suffisamment intelligents pour étudier le monde de la mort et se libérer dans le monde astral de leur supérieur. Donc, des forces qui... Des forces du supérieur. Surimposent une peur de la mort. Autrement dit, supposons que je mourrais demain matin, là, puis je garderais ma conscience que j'ai, puis la science que j'ai. J'irai à l'autre bord, puis je le botterais tout le cul. Dans ce sens, qu'au lieu de me battre, au lieu de me connecter avec l'homme pour le faire souffrir, je retournerai mon fusil d'épaule, puis là, je me battrai contre les forces qui sont hiérarchiquement disposées à dominer le monde de la mort. Ce qu'on appelle les forces de la garde. C'est ça qu'il faut que les âmes connaissent. Puis les âmes ne sont pas en position, ils commencent un petit peu, là. Ils commencent à avoir de la... Dans le monde de la mort, ils commencent à avoir des mouvements, ils commencent à avoir de la révolution, ils commencent à avoir des changements. Dans le monde de la mort, ils commencent à avoir un éveil. Autrement dit, les morts commencent à s'apercevoir qu'ils se sont fait jouer des tours pendant longtemps, puis qui ont été gardés dans une sorte d'épaisse impuissance. Puis ce qui va les amener à briser ça, c'est les hommes. C'est la conscience de l'homme sur la terre. C'est la science que l'homme est en train de développer. Quand on parle, nous autres, ça tombe pas dans l'oreille des sourds. Voilà-tu? Même si les hommes comprennent pas, eux autres comprennent. Fait que ça passe. Cette énergie-là, elle sert. Et plus les hommes sur la terre vont parler, plus les hommes vont être conscients, plus les hommes vont être dans leur énergie, plus les hommes vont être dans leur science, plus les hommes vont être dans leur lumière, plus une partie de cette énergie-là va servir le monde astral et éventuellement les âmes pourront renverser les forces luciférienne. Et ça va se produire dans 2500 ans. Dans 2500 ans, les forces luciférienne n'auront plus de pouvoir sur le plan astral et c'est pour ça que l'homme va commencer son évolution jupitérienne. L'homme n'aura plus besoin de vivre dans une enveloppe matérielle. L'homme va vivre en éthérique. Mais ça va prendre 2500 ans pour ça, parce que les forces évolutives, les forces luciférielles sont très puissantes. C'est des gouvernements qui sont très puissants. C'est comme en Russie, t'sais. Ça a pris des grandes crises pour que finalement les masses se révoltent. Éventuellement, les masses vont se révolter, puis les masses du monde astral, les âmes du monde astral, un jour vont se révolter contre les forces luciférielles. Mais ça va prendre 2500 ans, mais pour qu'elles puissent le faire, il faut qu'il y ait l'intelligence sur la Terre. Puis pour qu'il y ait de l'intelligence sur la Terre, il faut qu'il y ait de la lumière sur la Terre. Puis pour qu'il y ait de la lumière sur la Terre, il faut que l'homme soit dans son identité. Puis pour qu'il soit dans son identité, il faut qu'il soit dans sa conscience à lui. Pour qu'il soit dans sa conscience à lui, il faut qu'il puisse supporter ce qu'il sait. Il faut qu'il puisse avoir une force intérieure qui est complètement libre du doute personnel. Pour qu'il ne puisse pas y avoir de doute personnel, il faut qu'il ne puisse pas y avoir en lui le moindre besoin de croire. Le jour où l'homme n'aura plus besoin de croire, le phénomène de ne pas... Je parle de ne pas pouvoir croire. Je parle pas le gars qui dit « Oh, moi, je veux pas croire à ça. » Qui va croire à d'autres choses. Mais le jour où l'homme, psychiquement, ne pourra plus croire, ça voudrait dire que ce jour-là, l'homme sera dans son savoir. Et c'est cette science-là qu'il parlera, qu'il criera, whatever. C'est cette énergie-là qu'il utilisera, qui libérera le monde astral. Donc, c'est très important dans le monde aujourd'hui ce qui se passe pour les âmes. Parce que finalement, les âmes commencent un petit peu à avoir de l'espoir. Parce qu'on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Mais la lumière au bout du tunnel, c'est pas leur lumière, c'est la lumière de l'homme. Est-ce que vous voulez dire que les transformations qui se vivent présentement en Allemagne, en Russie, ou tout le mouvement comme ça là, qui s'éveille là, au niveau d'une prise de position face au pouvoir, ça a une influence sur le monde des morts? Oui, parce que ça va totalement à l'encontre, donc c'est bon. Que ce soit une grande conscience ou une petite conscience, tout ce qui est conscience, tout ce qui est la moindre forme d'individualisation, tout ce qui est la moindre conséquence d'une forme d'amour quelconque, tout ce qui rapproche l'homme de lui-même, tout ce qui est empreint de liberté, que ce soit